Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, je vais vous parler du classement UCI. Forcément, comme toutes les semaines, c'est notre rendez-vous le mardi, parce que le mardi, c'est le jour où l'Union cycliste internationale met à jour justement son classement par équipe, mais aussi les classements individuels et par pays qui nous intéressent, à vrai dire. Un petit peu moins parce qu'il n'y a pas forcément d'enjeu pour l'instant à ce niveau-là, enfin en tout cas à ce stade de la saison pour le classement notamment par nation. Bref, si vous le voulez bien, concentrons-nous donc sur ce classement UCI par équipe. L'enseignement de la semaine, et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est un petit peu quelque chose qui se répète depuis quelque temps, c'est qu'Arkea continue à fondre sur les équipes qui la précèdent au classement UCI, c'est-à-dire DSM Firmenich Post NL et la formation Cofidis. Ça va se traduire donc en termes de points, si je descends un petit peu justement sur ce classement qu'on a établi avec Véloclub.net. Donc tout simple, hein, tout simplement pour vous expliquer les colonnes, il y en a une qui concerne 2023, l'autre 2024 et enfin la dernière, le classement cumulé. Vous pouvez le faire aussi chez vous, ce calcul. Il suffit d'aller sur le site de l'UCI et d'ajouter les points 2023 à ceux de la mise à jour de ce mardi 9 avril, donc, et pas 7 avril. Désolé pour la petite coquille qui est indiquée au niveau du titre de ce tableau. Bref, comme je l'ai évoqué, l'enseignement, encore une fois, c'est qu'Arkea BNB Hotel fond sur la concurrence. Arkea BNB Hotel possède désormais 10 931 points, pas moins de 3 702 hein, cette année. Elle est dixième au classement UCI, c'est-à-dire qu'elle est quand même très très bien classée sur cette saison 2024, dans le top 10 des meilleures formations mondiales. 10 931, Cofidis en a 12 362, c'est-à-dire qu'on est à moins de 1 400 points de retard par rapport à l'équipe dirigée par Cédric Vasseur. Je rappelle qu'en début d'année, l'écart était de 3 200 points, c'est-à-dire qu'on a fait plus de la moitié du chemin pour Arkea, donc c'est quand même assez exceptionnel. Il faut vraiment saluer le travail réalisé par les coureurs d'Emmanuel Hubert. Et très sincèrement, il y a très très peu de personnes qui auraient parié sur ce scénario-là au bout de seulement 3 mois de compétition, même pas 3 mois d'ailleurs de compétition, et un rythme infernal vraiment du côté de la Arkea BNB Hotel. Et moi, si j'étais Cédric Vasseur, je pense que je commencerais à m'inquiéter sérieusement, surtout vu la dynamique qui est actuellement en cours au sein de la structure Cofidis, où tout semble un petit peu négatif en ce moment. Bref, écart de moins de 1 400 points, si je ne dis pas de bêtises, c'est ouais, 1 370 environ, grosso modo. Donc ça commence à devenir très inquiétant. On était à 1 600 la semaine dernière, donc ça veut dire qu'on a encore gratté un petit peu plus de 200 points. Si on fait ça toutes les semaines, ça veut dire que dans cette semaine, on est revenu à hauteur de Cofidis pour Arkea. Et cette semaine, ça veut dire que ça serait fait, même si tout n'est, enfin, rien n'est jamais proportionnel, bien avant le Tour de France, c'est-à-dire à la fin du mois de mai, voire au début du mois de juin. Donc grosse inquiétude au niveau de la Cofidis quand on regarde le classement et surtout ses résultats depuis quelques semaines, hein, parce que la dynamique est clairement très très mauvaise pour diverses raisons, mais ce n'est pas l'objet de la pastille. Et on va se focaliser aussi un petit peu sur la DSM Firmenich, parce que je l'ai dit, je ne suis pas inquiet, toujours pas inquiet pour DSM, parce que c'est une équipe qui court très peu. Très peu de jours de course, et il suffirait mécaniquement de participer à plus d'épreuves pour marquer plus de points. Il y a logiquement une marge qui est assez énorme, parce que je crois qu'en gros, on fait un tiers, enfin 30% de courses en moins qu'Arkea, donc il suffirait de matcher un petit peu le score d'Arkea et de Cofidis pour logiquement gratter des points, parce que quand on a une équipe pour le tour, on peut viser, allez, je sais pas, un minimum, compris entre 50 et 100 points par épreuve. Donc si vous en rajoutez une dizaine par-ci par-là, ça veut dire que forcément on monte son total. On ne peut pas faire zéro sur des courses. Enfin, on peut le faire une fois, mais voilà, sur une dizaine de courses, une vingtaine de courses sur la saison, on ne peut pas faire une moyenne de zéro. C'est pas possible. Donc il suffirait de courir un petit peu plus. Et je le rappelle, il y a un effectif qui est pour moi meilleur chez DSM, avec Fabio Jakobsen, avec Oscar Only, avec Max Poul, Avec, comment dirais-je, Casper Van Uden, on a aussi Warren Barguil, on a Romain Bardet, on a des garçons comme Kevin Vermaak ou d'autres. Bref, il y a quand même une densité d'effectifs qui n'existe pas, je trouve, chez Arkéa et Cofidis, en tout cas sur le papier. Donc pas de raison de s'inquiéter, même si, il faut le dire, l'écart est de moins de 600 points entre Arkéa BNB Hotel et DSM. Donc moi, par contre, même si je ne m'inquiète pas, ça peut vous paraître contradictoire, je ne serais pas forcément surpris si à un moment, en avril ou en mai, suivant les résultats des différentes courses, pourquoi pas même la semaine prochaine, parce qu'il y a le triptyque du Jura et du Doubs qui se profile, trois épreuves de points, avec pas mal de points à la clé. Donc je ne serais pas surpris si par contre, à un moment dans la saison, Arkéa dépasse DSM. Sur le long terme, j'y crois pas trop, mais voilà, sur un moment donné, je ne serais pas vraiment étonné si la structure dirigée par Emmanuel Hubert passait l'équipe néerlandaise. Équipe néerlandaise qui continue aussi d'ailleurs de gratter sur Cofidis. Il n'y a plus, si je calcule bien, parce que j'ai pas fait le calcul en préparant la pastille. Il n'y a plus que 800 points, 850 points d'écart entre les deux équipes, donc c'est pas beaucoup. On est sous la barre des 1000 points là aussi. Si on regarde la dynamique de 2024, il y a quand même 500 points de plus pour DSM que pour Cofidis. Donc là aussi, on est sur une moyenne plus élevée et on devrait normalement rattraper Cofidis. Enfin, si ça continue comme ça, je pense que Arkéa pourrait passer sur le moyen terme, donc à DSM et Cofidis, et à mon avis, en tout cas, c'est mon analyse à l'instant T. À la fin de la saison, je vois DSM 16e, Arkéa peut-être 17 et Cofidis 18, si elle n'arrive pas à enrayer cette dynamique, parce que forcément, si on arrivait à inverser la tendance, pour moi, l'effectif de Cofidis est meilleur que celui d'Arkéa sur le papier, donc tout est encore possible. C'est aussi ce qui fait un peu le charme du sport en général et du vélo en particulier, c'est que voilà, une dynamique, ça se casse. Imaginons qu'on change de manager, qu'on insuffle une autre dynamique. On peut se retrouver dans quelque chose qui est totalement différent. On le voit d'ailleurs au foot, hein. On arrive parfois à avoir des électrochocs en changeant l'entraîneur, en changeant le manager. Je ne dis pas qu'il faut virer Cédric Vasseur, hein. Je me permettrai pas, mais voilà, c'est des pistes qui sont étudiées dans d'autres sports. Et peut-être que ça peut être une possibilité, hein, à un moment aussi. Si ça ne marche pas au niveau des coureurs, ils peuvent pas être tous mauvais d'un côté. Donc peut-être que du côté de la direction de Cofidis, on peut envisager un changement à ce niveau-là, ou pourquoi pas laisser le manager se concentrer sur bien autre chose que le sportif et avoir quelqu'un qui arrive et qui insuffle de la confiance au groupe nordiste. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lutte pour le maintien. Je vais laisser un petit peu de côté le classement en pro team parce que c'est toujours le même, hein. On a toujours l'Autodestini et Israël qui sont largement devant et qui devraient encore une fois être invités sur tous les événements du World Tour en 2025. Et Tudor est toujours troisième, UnoX est toujours quatrième et derrière on a Total Energy qui est cinquième. Donc la hiérarchie ne change pas à ce niveau-là. UnoX a repris un petit peu large d'ailleurs, vous voyez 1917 contre 1523 pour Total Energy et en cinquième, en pro team, oui c'est ça, en cinquième. Oui, si je dis pas de bêtises, troisième, quatrième, en sixième, pardon, on a Q36.5 qui pointe 300 points derrière Total Energy. Donc, hiérarchie un petit peu logique, je trouve. Chacun est plus ou moins à sa place et on verra s'il y a des surprises. Il y a toujours cet enjeu de la troisième place au classement UCI et on verra ce qu'il en est dans les semaines à suivre, bien entendu, mais pour l'instant, on ne va pas se focaliser là-dessus parce que ce n'est pas le plus important. Ça reste quand même assez serré pour la troisième place entre UnoX, Total Energy et Tudor. D'ailleurs, j'espère que je ne dis pas une bêtise parce que je n'ai pas vérifié le classement de Tudor au niveau de la saison 2024. Donc, désolé si jamais elle est un petit peu derrière UnoX, il faudrait que j'aille vérifier ça. Mais voilà, pour l'instant, l'enjeu, il n'est pas là. On va se focaliser surtout sur la lutte pour le maintien et l'accession en World Tour. Et on laisse de côté la Pro Team, on laisse de côté le top 40 avec les invitations là aussi pour les GT de la saison prochaine. Bref, j'espère que cette pastille vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao!